pas pour toi. Mais si Dieu t'a élevé et aujourd'hui il te donne un nouveau chant, je vais t'inviter à chanter avec nous. Pour tous les gens que Dieu a élevés, à relever, on va les louer ensemble. Partout où tu es, crois en ce Dieu qui relève. Alléluia, en ce Dieu qui délivre. On chante ensemble, tu m'as relevé, tu m'as délivré. Come on. Mon seul choix, c'est toi. Seigneur Jésus. Quand tout le monde m'avait abandonné, Seigneur, Seigneur, Seigneur, tu m'as. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dieu tout puissant, de ta douce voix, tu m'appelles, tu ne cesses pas de me poursuivre, je suis épris de toi, tu as conquis mon cœur, ta main chaque instant me protège, mon désir est de te connaître, seulement vivre dans mon seul désir, tu es mon seul désir. rien n'est comparable. Ta grandeur, aucun nom ne peut s'en approcher. Tu es admirable et souverain. Rien de ce qui est ne t'est caché. Tu es Tu es grand, tu es grand, Seigneur, tu es grand, oui, tu es grand, et tu fais de grands prodiges. L'univers est soutenu par ta main puissante. La gloire de l'Église, oh, nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons, t'adorons, nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons. Rien ne se compare, rien ne se compare à ta grandeur. Tu es admirable, Jésus. Tu es admirable et souverain. ce qui est ne t'est caché. Tu es soutenu par ta main puissante, ton grand nom est la gloire de l'Église. Nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous Jésus, tu es tout, tout pour moi. Je veux le déclarer haut et fort, combien je t'aime. Et tu représentes vraiment, absolument tout pour moi, Seigneur Jésus. Je viens dans ta présence. Je viens pour t'adorer et t'exprimer mon amour. Les gestes ne valent rien, les mots sont bien trop peu pour te dire combien je t'aime. Je ne demande Je ne désire rien, mais je veux te dire l'éternel est devant toi. Le temps s'est arrêté. Laisse-moi te dire combien je t'aime. Les mains levées vers toi, car je ne veux que toi. Laisse-moi te dire combien je t'aime. Je ne demande rien, je ne désire rien, mais je veux te dire, tu es tout pour moi, Seigneur. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi, yeah. Tu es tout pour moi, Seigneur. Absolument tout pour moi. Tu représentes, yeah. Oh. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi, Seigneur. Tu es tout pour moi. Maintenant, si tu représentes tout pour toi, je vais t'inviter à chanter avec moi encore. Tu es tout. Cette déclaration de foi avec moi et dis, et j'ai besoin de toi. Réclame-le dans ta vie aujourd'hui. Dis, et j'ai besoin de toi. Et j'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Seigneur. Te dire combien je t'aime, je t'aime, je t'aime. Oui, je t'aime, Seigneur. Plus que tout, je t'aime, Seigneur Jésus. Quand tu m'aimes le premier, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Oui, je t'aime, mon roi. Alléluia. Seigneur, je viens devant toi. Toi devant qui rien n'est caché. Toi qui sondes les choses les plus profondes, je me présente devant toi. Seigneur, tu me connais, sondes mon cœur, tu connais mes pensées avant que je ne parle. Tu sais mes intentions, tu sais combien je t'aime. Et j'aspire à ta volonté, mais je me sens si faible, incapable de te suivre par moi-même. Je crie, j'ai soif de toi, mes yeux fixés sur toi, oui papa, mon Dieu. J'aspire à ta présence, je veux vivre par toi. Ta présence me suffit pour combler mes attentes. Mon Dieu, être à ton image. Ô Seigneur, Dieu des cieux, merci pour la grâce et pour la vie que tu me donnes en toi et cette possibilité d'entrer dans ta présence, Seigneur. Prosterné devant toi, oh, oh, je veux demeurer dans ta présence. Tu es tout pour moi, oh mon Dieu. Sans toi, ma vie n'est rien. Le souffle de vie me vient de toi. Toutes choses en moi me viennent de toi. J'en suis conscient et je lève les yeux toujours vers toi, pour vivre par toi. Seigneur, tu me connais, tu sondes mon cœur, tu connais mes pensées, tu sais j'ai soif de toi, oh, oh, de ta vie qui agit en moi. Tu es tout pour moi, Seigneur, tu es tout pour moi, mon Dieu. Tu es tout pour moi, mon roi. Ma vie, ma lumière, c'est toi, mon Dieu, c'est toi, mon sauveur. Elle prend tout son sens, oh, oh, oh, par ton amour qui agit en moi. Tu es tout pour moi, Seigneur. Tu es tout pour moi, Jésus. Tu es tout pour moi, mon roi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Mon souffle de vie, ma respiration, ma forteresse, mon abri sûr, un ami fidèle, mon conseiller, consolateur. Celui en qui je peux me confier, le consolateur, le conducteur, celui qui dirige ma vie. Seigneur, un cœur ouvert, un cœur simple, pour l'adorer en esprit et en vérité. À toi la gloire, Jésus.